Eh bien voilà, vous savez maintenant qu'on va faire chauffer les semelles, comme on dit, avec Christian Gauchy. Avec après ce Paso Doble, eh bien, on va découvrir un magnifique tango, si vous le voulez bien, bien sûr. Cha-cha, valse, eh oui, c'est la danse, c'est Dimanche Musette sur le 91 102.5 de Sorgia FM et vous êtes accompagné de Guido, eh oui. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. à peu près à la 20e minute. Allez, on continue, on continue. Vous êtes bien sur le 91, 102.5, sur GFM, dimanche, musette. Thank you. Voilà, un Ave Maria magistralement interprété à l'accordéon par Christian Gauchy. Et oui, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Non, non, non, ça peut se danser, bien évidemment. Après ce cha-cha-cha, eh bien, ce sera quand je vois tes yeux, je suis, eh bien oui, je suis amoureux. Thank you. j'entends ta voix, je suis fou de toi. La valse, quand tu nous tiens. Quand tu nous tiens, la valse, qu'est-ce que l'on s'amuse et qu'est-ce que cela nous fait du bien. Et puis après, on verra bien. Thank you.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Mais non, je peux pas vous quitter comme ça. Je ne peux pas vous quitter comme ça. Allez, on va faire un petit surplus pendant quelques minutes. Allez, on est tellement bien ensemble dans cette émission que on n'a pas envie de se quitter. Non, on n'a pas envie de se quitter. Allez, on continue. Vous en voulez encore? Bon, allez. Tant pis. Tant pis pour celles et ceux qui n'aiment pas. On va faire avec ceux qui aiment. Eh oui, vous en faites partie? Eh bien, restez encore un petit moment avec moi. Avec nous, nous sommes bien ensemble, n'est-ce pas? We'll be right back. Au revoir dimanche Musette et bonjour chanson française que l'on commence tout de suite avec C'est Jérôme. Et oui, un petit retour dans le passé. Un petit retour dans le passé avec Jérôme. C'est Jérôme. Rétro, c'est trop. Et Bobby Boy. Aujourd'hui c'est rétro, mais c'est bien, c'est bien. Ah, ah, ah. On chantait tous un peu yeah yeah, yeah, yeah. Les filles reprenaient wow wow, wow wow. Ensemble on faisait wow wow, wow, wow. Choubidou choubidou ah. On chantait tous un peu yeah yeah, yeah, yeah. Les filles reprenaient chambre, je suis seul, je sais que ça l'ennuie de dormir dans un lit. On l'appelle Baby Boy, elle a tout d'un garçon quand elle porte un blouson. Et sans faire de discours, elle dit je vais faire un tour, mais elle part pour 8 jours. Sa moto rouge entre les mains, elle me fait peur lorsque je pense au compteur. Dans sa colère, elle accélère, d'un air moqueur, elle se prend pour Mick Jagger. Elle bouscule les flippers et joue pendant des heures. Quand elle gagne la partie, elle m'embrasse dans le cou en me traitant de fou. On l'appelle Baby Boy et je sais que la vie est sa meilleure amie. Mais je crois qu'elle a raison de vivre à sa façon avec tant de passion. Sur l'autoroute, dans le brouillard, à toute allure, elle dépasse les voitures. Elle roule toujours, cheveux. Au petit jour, elle s'endort sur un divan. On l'appelle Baby Boy, elle retrouve ses amis dans un pub dans Paris. Et tous les gens la regardent, quelques garçons s'attardent, elle est tellement jolie. On l'appelle Baby Boy, il lui arrive parfois de pleurer dans mes bras. Je mets mes mains main sur son cœur. Elle est folle de bonheur car elle n'aime que moi. Puis elle repart dans la fumée. Je reste seul encore toute une soirée. Les nuits défilent mais j'imagine qu'elle pense à moi. Et je suis heureux comme ça. C'est Jérôme nous dit que c'est la nuit, mais non, non, non, c'est pas la nuit, mais c'est sa chanson en tout cas. Hein. Et puis, il nous dit aussi que Jérôme, c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est lui. La nuit, elle file dans un taxi, direction porte de Passy. Une robe de cuir colle à sa peau, elle s'est assise sans dire un mot. C'est la nuit, visage trop maquillé, des yeux qui donnent envie pleurer. Rôle de soirée en perspective, que celui qui l'aime la suive, la suive. J'ai envie de l'aimer, envie de lui parler, trouver les mots qu'il faut, repartir. La nuit, elle marche sur le trottoir. Je la vois dans la lumière des phares. Pour cette fille qu'on aime un soir, embouteillage sur le boulevard. C'est la nuit, bientôt le petit jour. Trop fatiguée de faire l'amour, toute seule dans ce café désert. Elle rêve de ce prince milliardaire du désert. J'ai envie de l'aimer, envie de lui parler, trouver les mots qu'il faut, repartir. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Adios, querida luna, quelque chose a changé. Adios, querida luna, adieu, adieu la lune. Adios, querida luna, une page est tournée. Adios, querida luna, adieu, adieu la lune. Ils sont arrivés un soir, ces hommes étranges vêtus de blanc. Ils portaient tous nos espoirs, quel grand événement. Mais ceux qui n'ont qu'un clair de lune et des rêves pour fortune, pense qu'on a volé leur lune. Adios, querida luna, quelque chose a changé. Adios, querida luna, adieu, adieu la lune. À Tolède, un vieil homme chantait ce refrain sur sa guitare, bien avant que les hommes ne mettent les pieds sur la lune. Il disait, bientôt les poètes et les amoureux perdront un de leurs biens le plus précieux. La lune ne leur appartiendra plus tout à fait. Un jour là-bas, il y aura un drapeau. Il avait raison, et j'aimerais dédier cette chanson à ce vieil Espagnol et à sa grande sagesse. Adios, querida luna, quelque chose a changé. Adios, querida luna, quelque chose a changé. Adios, querida luna, une page est tournée. Adios, querida luna. Ah, c'est une chanson un peu, comment dirais-je, révolutionnaire, oui, peut-être, chouan, en avant. Et puis, la toute dernière avec Jean-François Michael, comme j'ai toujours envie d'aimer. Et ça, vous le savez. Belle journée à vous. La rediffusion de cette émission, eh bien, c'est tout simplement mardi prochain de 10h à 12h. Merci de votre fidélité. Je vous aime et je vous embrasse. Bye bye. Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du Nord ou du Midi qui n'en veulent pas, leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le roi, on va leur faire payer ça. Jouant en avant par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant en avant, jouant. Jouant en avant par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant en avant, jouant. Nous abattrons Robespierre, l'odieux tyran, roulant ce loup sanguinaire dans son propre sang. Je dis que la République n'en a plus pour longtemps. Nous aurons un nouveau roi et nous ramènerons la foi.